C'était apparemment le meilleur de la classe, un pays donné en exemple dans un continent miné par la misère et les guerres. On avait même pu parler de miracle ivoirien, tant cette ancienne colonie française avait accumulé les succès économiques en tout juste 2 décennies après l'indépendance. Et son président, l'homme qui personnifiait son pays, Félix Houphouët-Boigny, était présenté comme le sage de l'Afrique ou encore l'homme de la paix. On sait aujourd'hui ce qu'il en est. Le pays est coupé en deux, toujours à la merci d'une reprise des combats entre les rebelles et les forces gouvernementales. L'économie est dévastée et de nombreux Européens, ceux-là même qui contribuaient à la prospérité du territoire, ont été contraints de fuir. Et je ne parle pas des massacres perpétrés tant au sud qu'au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi ce pays réputé si calme, si hospitalier, a-t-il soudain basculé dans la violence ? En réalité, selon M. X, le ver était depuis longtemps dans le fruit. Et il se propose aujourd'hui de remonter jusqu'aux origines de la crise, une crise où les responsabilités françaises sont évidentes, tant l'ancien colonisateur a été impliqué dans la politique ivoirienne. Même l'un de ses adversaires politiques les plus résolus, Laurent Gbagbo... L'actuel président ivoirien. Oui, même lui, quand Houphouët-Boigny est mort, a parlé de la chute du plus grand baobab. Ça rappelle De Gaulle, ça, et le chêne qu'on abat. Hein. Sans doute pas un hasard, les deux hommes étaient très proches et s'estimaient. Mais tous les deux entendaient incarner leur pays. C'est exact. Mm. Le vieux, comme on l'appelait aussi familièrement, a régné pendant plus de 30 ans sur la Côte d'Ivoire. Mais même avant d'exercer officiellement le pouvoir, il a dominé la vie politique de son pays. Vous voulez dire avant l'indépendance ? Oui. Ouais. Alors, un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien. Des Français sont installés sur la Côte d'Ivoirienne dès le XVIIIe siècle. Mais la véritable colonisation de l'intérieur commence au XIXe. Et comme ailleurs, elle est ponctuée de nombreuses violences contre les tribus qui refusent de se soumettre. Ouais, ce qu'on appelle la pacification. Oui, ouais, qui n'a rien de pacifique. Il faudra attendre le début du siècle prochain pour venir à bout des derniers insurgés. Alors, un mot sur cette nouvelle colonie française. Pour fixer ses frontières, le colonisateur n'a bien sûr pas tenu compte de la répartition ethnique des populations. Comme toujours, oui. Ouais. Le résultat, c'est un kaléidoscope ethnique qui rassemble artificiellement des gens qui n'avaient nulle envie de vivre ensemble et qui se sont souvent fait la guerre. On estime généralement qu'il existe plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. D'accord, mais enfin... Certaines parmi ces ethnies doivent avoir des affinités entre elles quand c'est même. C'est juste. Hein, ouais. Alors pour simplifier, hein, les spécialistes les ont regroupés en 4 grands ensembles. Mais ici ou là, on trouve des enclaves ethniques créées en fonction des migrations ou du développement économique. Ouais. Alors quand même, voyons rapidement hein, ces 4 ensembles-là. Au sud-est, on trouve les quoi ? Des populations venues du Ghana actuel. Et parmi elles, des Baoulés installés au cœur de la Côte d'Ivoire. Un groupe ethnique qui va jouer un grand rôle politique dans l'histoire du pays parce que beaucoup de dirigeants en sont issus. Au sud-ouest dominent les Krous et les Bété, les peuples de la forêt. Des populations qu'on retrouve aussi au Libéria et en Guinée. Ces deux ensembles animistes seront progressivement christianisés. Mmh. Et les deux autres alors ? Sont islamisés. Il y a d'abord au nord-ouest les Malinkés qui, comme leur nom l'indique, sont originaires du Mali. Ils ont longtemps dominé le commerce transsaharien et leurs chefs ont notamment alimenté la traite des esclaves. De l'autre côté, au nord-ouest, les Sénoufo, des agriculteurs installés aussi en Haute-Volta. Oui, c'était l'actuel Burkina Faso. Hein. En effet. Vous y voyez plus clair ? Oui, enfin, à peu près. Enfin, ce que je retiens surtout, hein, ce qui est important, je pense, c'est que le nord est plutôt musulman, tandis que le sud est chrétien. Avec une imprégnation animiste qui demeure, oui. Au sud comme au nord, d'ailleurs. Mais enfin, avançons. La colonisation, ça se traduit d'abord par le recours au travail forcé. Les indigènes doivent payer cet impôt en nature. Mais leur force de travail. Oui, c'est une nouvelle forme d'esclavage. De servage, disons. Exactement. Oui. Et le journaliste Albert Londres sera l'un des premiers à en rendre compte. Gide aussi, je crois. Hein. Vous avez sans doute raison. De la même façon, notez-le bien, on recrutera de force des autochtones pour les enrôler dans le célèbre corps des tirailleurs sénégalais. Enfin, passons. Il faut aussi parler de l'accaparement des terres par les grands propriétaires coloniaux. Est-ce que tout cela, là, ça suscite des mouvements chez les colonisés ? Oui et non. De nombreux Africains subissent, parce qu'ils n'ont guère le choix et qu'ils peuvent toujours craindre la répression. Mais d'autres, plus conscients, plus aisés aussi, protestent. Et parmi eux, le jeune Houphouët-Boigny, qui, entre parenthèses, ne se nomme encore que Houphouët. Houphouët. Et alors, Boigny, ça vient d'où ? En baoulé, ça veut dire bélier. Et symboliquement, Félix Houphouët ajoutera Boigny à son nom. Alors, d'où vient-il ? Ben, il est né au début du XXe siècle, mais peut-être même un peu avant. Pourquoi cette imprécision ? Parce que chez les Baoulés, il n'existe pas d'état civil. Enfin, ça n'a aucune importance. Houphouët Boigny est né dans une riche famille de propriétaires terriens et de chefs. Mais il est donc appelé un jour à devenir chef lui-même. Oui, oui, mais après s'être converti au catholicisme, il fait d'abord des études de médecine à Dakar. Trois petites années qui permettent de former ceux qu'on appelle les médecins africains. Des médecins au rabais. On peut voir les choses comme ça. En tout cas, Houphouët sort premier de sa promotion, ce qui montre que le jeune homme a de solides qualités. Mmh. Et il exerce ? Quelque temps, oui, comme médecin auxiliaire. Mais il n'en oublie pas pour autant les intérêts de sa famille et de son pays. Dès le début des années 30, Houphouët Boigny prend la tête d'un mouvement de planteurs africains hostiles aux grands propriétaires blancs et à la politique économique du colonisateur qui les favorise. Et il publie, dans une feuille socialiste métropolitaine, un article intitulé « On nous a trop volé ». Ça, c'est clair. Ouais. Alors, donc, juste avant la Seconde Guerre mondiale, Houphouët succède à son frère et devient chef du canton de Yamoussoukro, son village natal. Ouais. Une chefferie traditionnelle. Et qui exerce une réelle autorité sur la population. Ah bon. Cependant, il doit compter avec l'administration française, et en particulier lorsque celle-ci ordonne des réquisitions de travailleurs. Mais en même temps, grâce à un gros héritage d'un oncle maternel, il devient un des plus importants planteurs africains. D'ailleurs, Houphouët Boigny n'hésitera jamais à revendiquer sa ruralité. Une ruralité très confortable. C'est vrai, il est riche, très riche même. Et au fil des ans, il ne cessera pas d'arrondir sa plotte. On dira même que, vers la fin de sa vie, qu'il était l'homme le plus riche d'Afrique. Enfin, je poursuis. Un peu plus tard, en 1944, il crée le SAA, le Syndicat Agricole Africain. Un syndicat qui doit défendre les intérêts des planteurs africains. Et ce SAA est donc naturellement anticolonialiste et antiraciste. C'est à cette époque où Houphouët s'engage vraiment dans le combat qu'il devient Houphouët Boigny. À partir de là, tout va aller très vite pour lui. La conférence de Brazzaville de 1944, ayant prévu la représentation des colonies au Parlement, Houphouët Boigny est élu, fin 1945, député de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée constituante. Et son syndicat donne naissance au Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PCDI. Donc c'est le parti d'Houphouët Boigny. Hein. Un parti qui sera en effet toujours à sa dévotion. En 1946, nouvelle étape cruciale, il fait voter par les députés français une loi abolissant le travail forcé dans les colonies. Houphouët Boigny est alors un compagnon de route du Parti communiste français. Ouais, curieux pour un homme aussi fortuné. Hein. Certes, mais c'est la politique anticolonialiste du Parti communiste qui l'intéresse. Et il est alors considéré par les colons comme un homme dangereux, un agitateur. C'est vrai ? Bon, à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 40, son parti organise grèves et manifestations. Autant d'actions violemment réprimées par le pouvoir colonial. Il y a des morts. Et Houphouët Boigny lui-même alors ? On n'ose pas trop inquiéter ce riche planteur, et d'ailleurs il va bientôt tourner kazakh. C'est-à-dire ? Houphouët Boigny rompt avec le Parti communiste et se rapproche de la gauche modérée. Il adhère même à l'UDSR. C'est le parti de Mitterrand. Oui, ouais, un homme dont il sera très proche jusqu'à la fin. Comment expliquer alors ce revirement-là ? Houphouët Boigny est un homme très malin. D'abord, les communistes qui sont chassés du gouvernement ne lui sont plus utiles. Puis, il y a la guerre froide. Houphouët Boigny a déjà choisi son camp, ce sera l'Ouest. En même temps, rompant avec la plupart des autres leaders africains qui demandent une indépendance immédiate, il envisage une transition en douceur au sein de l'ensemble français. Sans rupture. C'est ça. Donc il préfère coopérer et préparer l'avenir. C'est ainsi qu'il va entretenir des liens très étroits avec les milieux d'affaires. Oui, des milieux rassurés, puisque il a rompu avec les communistes. Bien sûr. Rassuré aussi par sa fortune. Dès 1957, c'est le plus riche planteur de cacao et de café de Côte d'Ivoire. Et il va aussi, aux côtés de Gaston Defer, travailler à l'élaboration de la loi cadre qui prévoit l'autonomie des colonies. En même temps, Houphouët Boigny entre au gouvernement français. Il sera ministre sans interruption jusqu'en 1959. Il est évident, dès cette époque, qu'il est l'interlocuteur ivoirien de Paris, le seul. Un interlocuteur très souple. Oui, et qui pense surtout au développement économique et à la modernisation. Une évolution, pense-t-il, qui ne peut se produire que s'il n'y a pas rupture du lien filial que la Côte d'Ivoire entretient avec la métropole. Quel changement quand même, hein. Je suis d'accord. Mais Houphouët Boigny est ainsi. Tenez, c'est sans doute malgré lui qu'il proclamera l'indépendance de son pays en 1960. À l'occasion de la mort du président ivoirien en 1993, Le Monde a publié sa nécrologie, un article collectif. J'en extrais ces lignes qui complètent le propos de Monsieur X. Pressé par François Mitterrand, jeune ministre de la France d'outre-mer, qui veut faire accepter par les colons la nouvelle politique africaine, Oufouette est contraint de donner de multiples gages de collaboration à l'administration. Il ira jusqu'à dire, en 1955, « Il n'y a pas, il ne peut y avoir d'action utile en dehors de la coopération. » Cette collaboration rapporte des dividendes, même si les brimades administratives se poursuivent encore quelque temps. Oufouette remporte en 1956 un très net succès électoral. Pourtant, encore une fois, il se trouve un peu à contre-courant à l'époque de la loi cadre et de la montée des nationalismes africains au lendemain de Dien Bien Phu et des débuts de l'insurrection algérienne. Il n'est alors guère favorable à des réformes. En revanche, à l'époque où la Côte d'Ivoire est devenue la vache à lait de l'Afrique occidentale française, il se fait de plus en plus l'avocat des colons français locaux et des planteurs ivoiriens en voulant jouer les seules cartes du territoire. Il ne tolère pas en effet que celui-ci porte à bout de bras l'AOF et préconise une adhésion directe de chaque État à la communauté française. Ce comportement sera désormais une constante chez celui qui, en 1960, après avoir été ministre du gouvernement français, puis premier ministre en avril 59 du gouvernement ivoirien, devient le père de l'indépendance. Il faut quand même m'expliquer pourquoi il a proclamé du bout des lèvres l'indépendance de son pays. Oh, c'est très simple. Oufouette Boigny rêve d'une véritable entité franco-africaine. Ce que le général de Gaulle va appeler la communauté. Et donc une franche coopération. Mais très vite, d'autres pays africains, le Sénégal, le Mali ou encore Madagascar, obtiennent leur souveraineté internationale. Oufouette Boigny ne peut être en reste. Toutefois, il refuse le fédéralisme que proposait un homme comme Senghor, son rival sénégalais. Il entend donc, lui, instituer, un dialogue singulier avec la France. C'est ça. Et il sera, soyons clairs, l'homme de la France en Afrique. La meilleure preuve, c'est qu'il va s'entourer, dès son élection à la présidence de la République, de conseillers français. Son chef de cabinet, par exemple, Guy Néret, qui restera auprès de lui jusqu'à sa mort en 1993 et qui fera, bien entendu, le lien avec Paris. Paris, Jacques Foccart. Bah forcément, c'est lui, l'agent de la France-Afrique à l'Élysée. Et savez-vous d'ailleurs que c'est Oufouette Boigny qui a inventé cette expression, qui dit bien ce qu'elle veut dire. La France-Afrique, un terme qui sera repris plus tard par François-Xavier Verschave. Mais pourtant, là, Oufouette Boigny était-il, comme vous semblez suggérer, totalement inféodé à la France? Non, c'est plus compliqué que ça. Oufouette Boigny n'était pas une marionnette. Il avait besoin de la France. Mais la France avait aussi besoin de lui. Quoi, pour mener sa politique africaine? Évidemment. Et vous allez le voir, pendant de longues années, Oufouette Boigny sera l'indispensable artisan des quelques coups tordus que la France va susciter dans notre précaré traditionnel, l'Afrique francophone. Et pas seulement francophone, d'ailleurs, enfin, n'allons pas trop vite. Ça, je m'y attendais. J'ajoute que le président ivoirien, de l'avis de tous ceux qui l'ont approché, était certainement l'un des meilleurs connaisseurs de l'Afrique, l'homme qui était aussi le mieux renseigné. Et ça ne pouvait que plaire à son ami Foccart. Foccart, justement, ils étaient vraiment amis? En effet. Foccart, même si on peut lui adresser de nombreux reproches, ses réseaux de barbouzes ou la création du SAC, par exemple, a noué de véritables liens d'affection avec tous les dirigeants africains qu'il a couvés. Et c'était particulièrement vrai avec Oufouette Boigny. Bon, fermons la parenthèse. Si le président ivoirien était tellement lié à la France, c'est qu'il y trouvait aussi son intérêt. Mais ce nom est trébuchant. Il y a cette immense fortune qu'il ne va cesser de construire. Et vous savez combien, dans de nombreux pays du tiers-monde, les dirigeants ont trop souvent confondu les comptes de l'État avec les leurs. Enfin, soyons justes, Oufouette Boigny avait aussi des ambitions pour sa patrie. Ce libéral, au moins sur le plan économique, voulait attirer des investisseurs chez lui, parce qu'il était persuadé que ces capitalistes, attirés par les facilités qu'on leur offrait, finiraient aussi par enrichir la Côte d'Ivoire et donc ses nationaux. Une entreprise à long terme, hein? Bien sûr, parce que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ce pays agricole qui dépendait étroitement de la France pour ses exportations était tout à fait sous-équipé, peu d'écoles et d'équipements collectifs. Et pas d'industrie? Pratiquement pas. Donc en ouvrant largement la Côte d'Ivoire aux investisseurs étrangers, essentiellement français, il fait le pari du libéralisme. Et non sans clairvoyance. Il proclame qu'il vaut mieux créer des richesses que de partager la misère. Ce qui sera le cas inverse d'un certain nombre de pays africains. Et qui ne seront pas moins victimes de la corruption des élites. En outre, il faut bien penser que la Côte d'Ivoire manque non pas de bras, mais de cadres. Il lui est donc indispensable de faire venir chez elle des hommes d'affaires et des gens compétents, capables de développer le pays. Oui. Et sur le plan politique, alors, comment Oufouet de Boigny assure-t-il son pouvoir ? Une observation, d'abord, qui démontre une nouvelle fois sa clairvoyance. Oufouet de Boigny se méfie instinctivement des militaires. À cause des menaces de putsch ? Oui, et il a raison, parce que les pays africains subiront je ne sais combien de coups d'État fomentés par l'armée, à commencer en 1963 par le renversement d'Olympio. Ouais, au Togo voisin. Hein. Presque voisin, oui. Olympio qui a été purement et simplement liquidé par Iadema. Mais on en a déjà parlé. Oui, je me souviens. Ouais. Alors d'emblée, Oufouet de Boigny se méfie. Et il décide que l'armée ivoirienne sera réduite au minimum et qu'elle sera surveillée par le pouvoir politique. Mais surtout par les troupes françaises qui resteront sur place et l'encadreront. Ouais, c'est en effet plus prudent. Et effectivement, jusqu'en 1999, l'armée ivoirienne ne sortira pas de ses casernes. Mais sauf quand le pouvoir le lui demandera. Ouais. En tout cas, cette décision a pour conséquence de confier la sécurité de la Côte d'Ivoire à l'armée française. Sécurité extérieure. Sécurité intérieure. Un traité entre les deux pays prévoit que la France peut intervenir militairement si elle estime que ses intérêts sont menacés. En d'autres termes, c'est la colonisation qui se poursuit. À peu près. Mais Oufouet de Boigny n'en a cure, tant il est persuadé que l'avenir de son pays réside dans une étroite coopération avec Paris. Alors, vous me parliez de politique. Ouais. Oufouet de Boigny, élu triomphalement président de la République, a pris soin de faire adopter une constitution taillée sur mesure. À ses mesures, vous voulez dire. C'est évident. Le régime est présidentiel. Oufouet de Boigny pourra décider de tout. En outre, malgré la reconnaissance officielle du multipartisme, c'est en réalité le système du parti unique qui prévaut dans les faits. Le parti du président, bien sûr, le PCDI, règnera sans partage pendant des décennies. Mais, là encore, par prudence, et à la différence d'autres chefs d'État africains, Oufouet de Boigny ne commet pas l'erreur de se faire nommer président à vie. Mais dans les faits, il sera à chaque élection réélu sans problème. Tous les 5 ans, oui. Même si lors de la dernière, en 1990, il aura en face de lui un opposant, Laurent Gbagbo, un opposant qui sera battu à plate couture. Toutefois, Oufouet de Boigny en veut encore plus. Est-ce que tout ça, ça ne suffit pas, là ? Non. Pour asseoir définitivement son pouvoir, Oufouet de Boigny doit aussi montrer qu'il peut être un homme à poigne. Dans un pays où il existe tant d'ethnies, il indique fermement qu'il ne tolérera aucune tentative sécessionniste. Ouais. C'est d'abord le cas avec une tribu installée à la frontière ghanéenne, les Saint-Louis. Puis un peu plus tard, encore une fois à l'est, et enfin à l'ouest, où les Bété se révoltent. Alors il réprime ? Oui, sans pitié. La petite armée ivoirienne intervient et elle est puissamment aidée par les marsouins français stationnés en Côte d'Ivoire. Il y aura des dizaines, peut-être même des centaines de morts. Mais personne, ou presque, n'en parlera. Le sage de l'Afrique, comme on l'appelle déjà, doit rester irréprochable. D'ailleurs, n'a-t-il pas promis qu'il ne ferait jamais couler une goutte de sang ivoirien ? Ouais, une promesse mensongère, donc. Tout à fait. Et grâce à son protecteur français, il fera en sorte d'étouffer cette malheureuse affaire. Ouais. Mais si les militaires français sont aussi intervenus, Paris avait intérêt à garder silence. En effet. Et puis, ça s'est passé loin d'Abidjan, dans une zone de forêt. Mais Oufouet de Boigny doit encore aller plus loin. Et à cette occasion, il va faire preuve d'un parfait machiavélisme. C'est-à-dire ? Dans les premières années de l'indépendance, certains autour de lui, et parmi eux des compagnons de toujours, critiquent le tout libéralisme du président et sa subordination à la France. Oufouet de Boigny est bien décidé à leur montrer qu'il est le patron et le seul. Oui, mais alors, comment procède-t-il ? Ah ben, il invente des complots. Et ça commence très tôt. En 1959, alors même qu'il n'est pas encore président, il déclare qu'on a trouvé chez lui des fétiches maléfiques. Et ça signifie, affirme-t-il, qu'on veut l'assassiner. Incontestablement, Félix Oufouet de Boigny, bien qu'il fût catholique, croyait à la puissance de la magie africaine. Et il se dit qu'il en aurait lui-même usé contre ses ennemis. Sur ce sujet, j'ai trouvé un témoignage irréfutable, celui de son grand ami et mentor, Jacques Focard. Dans un livre d'entretien avec Philippe Gaillard, Focard parle, paru chez Fayard en 1997, on pose au conseiller du général de Gaulle la question suivante. Oufouet de Boigny redoutait-il autant les sorciers qu'on l'a dit ? Réponse, je cite. Il se tenait en garde contre toutes les menaces possibles. Condamné à mort en 1964, Jean-Baptiste Moquet et Jean Conan Bani, qui sont redevenus ministres par la suite, étaient accusés d'avoir préparé des fétiches contre le chef de l'État. Oufouet craignait d'autant plus les pratiques magiques qu'il les connaissait parfaitement. En 1973, des militaires ont été arrêtés pour complot et assassinat. Des féticheurs leur ayant prescrit de sacrifier cinq personnes, ils avaient tué cinq malheureux pêcheurs étrangers. Oufouette était outré pour deux raisons. Parce qu'il y avait eu mort d'innocents et parce que, m'a-t-il confié, c'était un détournement du sacrifice. Selon la tradition, les victimes doivent être des personnes chères. Un homme en particulier inquiète Oufouette Boigny. C'est l'un des héros du combat pour l'indépendance, Jean-Baptiste Moquet. Un homme qui monte et qui est le secrétaire général du PCDI. Le parti d'Oufouette, est-ce un rival possible? Non, non, pas encore, mais enfin, sait-on jamais. Par conséquent, Oufouette-Boigny veut le mettre à la raison. Lui, mais aussi ses anciens compagnons de lutte qui sont devenus les dignitaires du régime. Pour Moquet, soupçonné d'avoir introduit des fétiches maléfiques dans les résidences d'Oufouette-Boigny, ça traduit d'abord par un éloignement temporaire. Il est nommé ambassadeur en Israël. Quand même pire comme sanction. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, revenu en Côte d'Ivoire en 1962, Moquet semble réhabilité. Mais Oufouette-Boigny est bien décidé à donner un coup de pied dans la fourmilière. Et en 1963, prenant prétexte du putsch qui vient de se produire au Togo et qui secoue toute l'Afrique francophone, le président ivoirien met en œuvre une vaste épuration. Sous quel prétexte, là ? Menée subversive. Ouais. Et il y a un commencement de vérité là-dessous ? Aucun. Oufouette-Boigny le reconnaîtra lui-même plus tard. Quoi qu'il en soit, une cour de sûreté de l'État est créée et Oufouette, non sans cynisme, en confie la présidence à son ennemi d'hier, Moquet. Un cadeau empoisonné, ça. Bien entendu, mais Moquet peut difficilement refuser parce que cela signifie son retour en grâce. Ouais. Et qui sont les inculpés, alors? Des députés, des ministres, une centaine de personnes en tout, mais des milliers d'autres sont jetés en prison. Et les peines prononcées par cette cour spéciale sont lourdes, très lourdes. 13 condamnations à mort en particulier. Et il y aura des exécutions ? Non, non, bien heureusement. Mais il est évident que le président ivoirien a fait très fort et durablement inquiété ses opposants, réels ou supposés tels. Il faut ajouter que l'homme qui a prononcé cette peine... C'est Moquet, là, non ? Moquet, oui. Eh bien, le procès est à peine terminé qu'il est à son tour arrêté, jeté en prison. Et comme les hommes qu'il a fait condamner, au bout de quelques années, il sera libéré et reviendra même au gouvernement. C'est donc reconnaître a posteriori son innocence. Oui, hein. Oui, en réalité, vous l'avez compris, tous ces supposés complots, c'était de la poudre aux yeux. Et ça a permis à Oufouette-Boigny de consolider pour de longues années son pouvoir. Je dois quand même ajouter que tous n'ont pas bénéficié de cette mansuétude. Certains accusés, des jeunes en particulier, auraient été torturés et l'un d'eux serait mort sous les coups. Toutefois, là encore, silence. Et les conseillers français de la présidence sont soigneusement aidés à tout verrouiller. Mmh. Et ces conseillers, alors, ont-ils téléguidé cette manipulation des faux complots, là ? C'est ma conviction. Mais je n'en ai pas la preuve. Hein. En tout cas, Oufouette-Boigny, champion de la France et de l'Occident, y a gagné la paix. Et comme l'a proclamé un auteur dramatique ivoirien, silence, on développe. On développe. Car là est l'essentiel. On parle même de miracle ivoirien. Le miracle économique. Oui, hein. Oui. Ouais. Le PIB, le produit intérieur brut, est quintuplé en 20 ans. Les infrastructures du pays sont modernisées, l'agro-industrie est développée et Abidjan se couvre de buildings. Car le cacao et l'exploitation forestière rapportent toujours plus d'argent. Ouais. Mais est-ce que ça profite vraiment aux autochtones ? Incontestablement. L'espérance de vie augmente de façon spectaculaire, le taux de scolarisation aussi. Mais déjà, les poisons qui vont aboutir à la catastrophe que vous savez ont été semés. Le cacao, d'abord. Mmh. Et vous m'avez dit que c'était une des richesses du pays ? Avec le café, le bois et le coton, oui. Toutefois, c'est bon tant que la Côte d'Ivoire demeure le principal pays producteur et que le prix de la fève est élevé. Mais d'autres pays vont se mettre sur les rangs. Et à terme, la concurrence jouant, les prix risquent de baisser et la balance commerciale ivoirienne peut le payer très cher. Autre point noir, les étrangers. Que voulez-vous dire là, les... Une économie qui se développe aussi vite, surtout dans le domaine agricole, a besoin d'une importante main-d'œuvre. Et les paysans locaux ne suffisent pas à la tâche. Ah oui, par conséquent, on fait venir des étrangers. En masse, oui. Des gens du Mali ou du Burkina Faso qui sont accueillis très libéralement par le gouvernement de Oufouette-Boigny qui leur accorde pratiquement les mêmes droits que ceux dont disposent les citoyens ivoiriens. Ben ça, on peut pas lui reprocher. Certes, hein. Mais ça va tant que l'économie est florissante. En cas de retournement de la situation, les autochtones risquent de se retourner contre ces étrangers qui viennent manger leur pain et prendre leur travail. Ouais, une réaction xénophobe classique. Et qui sera malheureusement trop facile d'exploiter plus tard de façon démagogique et politicienne. Ouais. D'autres poisons ? Oui, les dépenses de prestige pour ce qu'on appelle là-bas les éléphants blancs. C'est-à-dire Des investissements surdimensionnés qui accroissent la dette extérieure de la Côte d'Ivoire et favorisent la corruption. Ouais. Et dites-moi, la fameuse basilique de Yamoussoukro, construite chez le dans le village natal de Oufouette. Elle fait partie de ces éléphants blancs? Assurément. Oufouette Boigny a eu beau prétendre qu'il avait payé de sa poche cette réplique de Saint-Pierre de Rome, il est certain que le trésor ivoirien a contribué aussi à construire ce monument démesuré. En tout cas, quand arrivera la crise économique mondiale au début des années 1980, tous ces poisons dont je vous ai parlé produiront leurs sinistres effets. Et si vous le permettez, nous pourrions y consacrer un prochain entretien. Oui, je viens, oui, parce que pour beaucoup d'auditeurs, j'en suis persuadé, cette crise ivoirienne est assez peu lisible. Et je suis sûr qu'ils attendaient que vous évoquiez cette affaire un jour ou l'autre. Alors, auparavant, je voudrais revenir sur ce que je vous disais précédemment et que l'on pourrait appeler, même si je n'aime pas beaucoup l'expression, l'instrumentalisation de la Côte d'Ivoire par la France. Ouais, son implication dans ce que vous avez nommé les coups tordus, c'est ça? Exactement, ouais. Ils sont nombreux. Et souvent téléguidés par Focard et ses réseaux africains. Il en a été ainsi de la position de la Côte d'Ivoire à l'égard de la Guinée de Sékou Touré. Vous avez consacré à cette affaire un entretien à Sékou Touré, l'homme qui avait osé dire non au général de Gaulle. Et qui était donc forcément disqualifié aux yeux de Fouad Boigny. D'autant que Sékou Touré a pris exactement le contre-pied du dirigeant ivoirien en déclarant « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». Fouad Boigny a vécu ça comme une véritable insulte. Contre lui ? Et contre la France. Et pendant plus de 10 ans, les services français vont s'acharner à comploter contre les dirigeants guinéens. Ouais, sans succès. Hein, mais presque toujours avec la complicité des autorités de Côte d'Ivoire, dont la Guinée est voisine. Il en ira de même avec un autre voisin, le Ghana, anglophone, dont le dirigeant progressiste et panafricain, Nkrumah, provoque presque naturellement l'hostilité de Fouad Boigny. Concrètement, ça se traduit comment, hein? Bon, la Côte d'Ivoire participe à toutes les tentatives de déstabilisation dirigées contre Nkrumah jusqu'à la chute de ce dernier, en 1966. Autre intervention notoire de la Côte d'Ivoire dans les affaires intérieures d'un pays africain. La tragique aventure biafraise au Nigeria. Pourtant, là aussi, il s'agit d'une ancienne colonie anglaise. Et qui ne fait pas partie, en principe, du précaré français. Mais la France lorgne sur le pétrole biafrais. De son côté, Fouad Boigny juge que le Nigeria est un géant. Un État qui pourrait exercer une trop grande influence dans la région. Ouais, et qu'il conviendrait de démanteler. C'est ça. Fouad Boigny est donc partie prenante de l'aide militaire qui va être apportée plus ou moins clandestinement aux rebelles biafrais. Il permettra, en particulier, aux avions des trafiquants d'armes de décoller de Côte d'Ivoire. Mais ça se terminera, comme vous le savez, par une véritable tragédie. Enfin, n'y revenons pas, nous avons aussi évoqué ce drame où un véritable chantage à la famine s'est exercé. Autres interventions? Bien sûr. Toujours en liaison avec les services français et les réseaux Focard, la Côte d'Ivoire a participé aux tentatives de déstabilisation du président Kérékou au Bénin, l'ancien Dahomey, un dirigeant qui avait eu le tort de se ranger dans le camp de l'Est. Il faudra encore parler de la part prise par Fouad Boigny dans le putsch qui a abouti à la mort du dirigeant du Burkina Faso, Thomas Sankara. Un autre pays voisin. Eh bien, décidément. Mais ce n'est pas fini. L'action sans doute la plus contestable de la Côte d'Ivoire et donc de ses dirigeants a eu lieu au Libéria. Expliquez. Français et Ivoiriens de concert vont largement soutenu la rébellion puis la prise de pouvoir d'un seigneur de la guerre. Charles Taylor. Mais il s'en est suivi une guerre atroce qui a causé la mort d'au moins 150 000 personnes. Et vous n'avez certainement pas oublié l'image de ces enfants soldats enrôlés dans la troupe de Taylor. Ouais, pour la Côte d'Ivoire, il y avait certainement la volonté d'accaparer une partie des formidables richesses de ce petit pays. Le diamant et le reste. Ouais. Et l'intérêt de la France, alors? C'était une belle occasion de prendre sa revanche sur les anglo-saxons après l'échec biafrais. Toutefois, nous en parlons peut-être plus longuement un autre jour, mais un dernier mot, si vous le voulez bien. Oui, je vous écoute. Là. On a beaucoup critiqué un aspect très particulier de la politique étrangère de Fouad Boigny. Les liens qu'il a entretenus envers et contre tous avec les dirigeants sud-africains. Malgré l'apartheid. Oui. Le sage de l'Afrique a même reçu chez lui un premier ministre sud-africain. Et à mon humble avis, il n'y a qu'une explication. C'est à la demande de la France que Fouad Boigny a noué ses contacts. À l'instigation de Focard, qui était lui-même en odeur de sainteté en Afrique du Sud. Et la raison profonde, c'était que Paris voulait, par l'intermédiaire de la Côte d'Ivoire, renforcer ses relations économiques avec le pays de l'apartheid, en toute discrétion. J'emprunterai la conclusion de ce premier entretien sur la Côte d'Ivoire à un historien ivoirien, Pierre Nandjoui, qui a publié un livre intitulé « Où Fouad Boigny, l'homme de la France en Afrique ». Certes, le propos est polémique, mais il n'est pas inintéressant. Voici un extrait. Personnalité complexe du monde politique africain, rusé, superstitieux extrême et intelligent, si l'on en juge par le rôle qu'il joua dans le démantèlement de l'unité de l'AEF, de l'AEF et de l'Afrique dans son ensemble, monsieur Houphouët-Boigny n'a cessé de bénéficier en toutes occasions de la plus grande bienveillance des autorités françaises. C'est justement sur leur conseil qu'il laissa le développement de la Côte d'Ivoire au bon soin des capitaux étrangers qui ne pouvaient fructifier qu'à l'ombre de la stabilité politique. L'ordre lui a donc été donné de neutraliser toutes les forces susceptibles de contester ce plan de développement.